Ça va les gars quoi. J'ai un peu de mal au réveil Amsterdam. Coffee shop la veille, aïe mon crâne. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Là-bas, Hill Street, viens faire un tour au pays. Là-bas, dans la street, tu peux voir de jolies filles. Bulldog, prix d'amis, coffee shop commercial. Si tu veux de la bombe, t'as qu'à aller au Hésitaï. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. J'ai marché, j'ai gambadé à mort, pété les chevilles. Bien souvent j'ai badé après quelques pètes de chenvilles. J'pars en Belgique pour mes proches, connais mieux d'âme que mes poches. Le tric au fond de celle-ci fait chier, j'peux plus me racheter de pochette. J'me prends la tête, ouais, j'demande à bang, c'est dur dans la douille et bang. Du black, la white, le ying et le yang, j'rallume ma douille et bang. Et quand t'es bien foncé, c'est gang bang au red light. Ne rentre pas dans un coffee si t'as que des Marlboro light. Allez, j'en rallume un et je décolle enfin. T'endors pas dessus, mais on verra ça à la fin. C'est Space Cake au début, de loup et ma faim. Hollande légalise, c'est tout ce qu'on demande à la fin. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Je sais de quoi je te parle, alors je te parle de coffee shop. Ouais, coffee shop. Ouais, coffee shop. Viens faire un tour au 36, tu peux y ramener tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Ouais, tous tes potes. Je sais de quoi je te parle, pas.